bienvenue dans ce troisième épisode d'ActuVu. C'est votre moment révision de la semaine, alors installez-vous confortablement sous votre plaid pour oublier le froid, une boisson chaude, de quoi prendre des notes, et on est parti. C'est donc une nouvelle semaine bien chargée en actualité que nous allons tenter de vous résumer, avec au programme tout ce que Lauriane a flouté rien que pour vous. Beaucoup de gros sujets en France cette semaine, Pénélope nous explique ce qu'il se passe sur l'île de Beauté, mais aussi au cœur des réseaux de narcotrafic en écho avec la mort de Mehdi Kessassi. Tout ça avant de terminer par un chiffre très inquiétant. Coup de théâtre aux États-Unis, Jean-Com revient sur l'affaire Epstein dont le Congrès américain a voté la déclassification du dossier. Un énorme dossier donc à connaître, sans oublier la venue du président Zelensky à l'Elysée et une nouvelle étape dans le conflit entre la Chine et le Japon. Côté finances et société, Daniel nous parle d'un autre Daniel, Kretinsky cette fois, qui a modestement investi 5 milliards de dollars dans l'entreprise Total Energy, rien que ça. Il reviendra aussi sur le salon Choose France et le cas Altice SFR sous fond de corruption. Aujourd'hui en sport et culture, Daphné nous parlera médias, Mbappé et ski brésilien. Lina vous donnera toutes les recos pour devenir expert en narcotrafic, en greenwashing et en scandale américain. Et on finira en beauté avec la découverte de l'Ijba. Johan a accepté de répondre à nos questions sur son école, malgré une défaite au trophée de la Garonne de l'année dernière qui restera dans l'histoire. Sans rancune, Johan. Mais avant toute chose, replongeons donc dans l'actu chaude de ces derniers jours à retenir dans vos carnets avec Lauriane. Alors Lauriane, on flotte quoi cette semaine ? Tout d'abord, 27 personnes ont perdu la vie mercredi dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, 2 jours après l'approbation du plan de paix de Trump. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Depuis la signature de la trêve le 10 octobre, plus de 300 Palestiniens ont été tués par des frappes ou des tirs israéliens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Près de 600 emplois menacés chez Novasco. Lundi, le tribunal de commerce de Strasbourg a ordonné la fermeture définitive de l'usine aciériste à Agondange, en Moselle. L'État, qui y a investi 85 millions d'euros, prévoit de poursuivre en justice Greybull, le fonds d'investissement britannique repreneur de Novasco, pour des promesses de financement non tenues. 2 euros, c'est le montant de la taxe sur les petits colis approuvée par les députés ce mercredi. Cette taxe concerne les colis en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne et dont la valeur est inférieure à 150 euros. Elle concerne notamment Chine ou Temu et servira à financer les dispositifs pour contrôler ces produits susceptibles d'être dangereux. À Verdun, dans la Meuse, une messe en hommage à Philippe Pétain indigne. Le maire de Verdun l'avait interdite avant d'être rattrapé par le tribunal administratif qui lui a donné tort. Le préfet a déclenché une procédure pour que la justice enquête sur l'association organisatrice et une plainte a été déposée pour propos révisionnistes en marge de cet hommage à Philippe Pétain, chef du régime de Vichy et collaborateur de l'Allemagne nazie. Un procès historique. En Syrie, le premier procès sur les massacres de mars s'est ouvert mardi à Alep. Pour rappel, plus de 1400 personnes, en majorité alaouites, ont été tuées par des partisans du président déchu Bachar al-Assad et 14 hommes ont comparu devant les juges. Certains risquent la peine de mort. L'audience a été suspendue et reprendra dans un mois. Il n'aura certainement pas lieu. Ce mercredi, les grandes maisons d'édition de BD estiment que le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ne pourra plus se tenir. En cause, un appel au boycott des auteurs et autrices. Le festival est en crise depuis sa dernière édition et la société 9e Art Plus qui l'organise est accusée d'opacité financière et de dérive mercantile. Pour le moment, aucune annulation n'a été officialisée. J'espère que vous avez bien tout noté. Et sans attendre, direction la Chronique France avec Pénélope. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ! Mais qui elle est, celle-là ? Quelle indignité. On part d'abord dans le bassin méditerranéen, qui est en ébullition. Et oui, des manifestations ont éclaté en Corse le week-end dernier. Entre 1500 et 3000 personnes ont défilé dans les rues de Bastia et Ajaccio, sous le mot d'ordre « assassins, mafieux, dehors ». Les habitants réclament plus de sécurité et souhaitent que la peur change de camp. Alors la Corse a le record de France métropolitain du nombre d'homicides rapportés à la population, avec 18 homicides et 16 tentatives d'homicide en 2024. pour 355 000 habitants. Fin septembre, le syndicat de coordination anti-mafia a été créé, rassemblant collectifs, syndicats et associations anti-mafia de défense de l'environnement. Toujours en France, la lutte contre le narcotrafic s'accentue, Pénélope. Et oui, mardi, le président de la République a organisé une réunion autour du narcotrafic. Le but est d'amplifier la lutte contre le trafic de drogue qui s'intensifie ces dernières années. Le nombre de victimes innocentes, ces fameuses balles perdues, augmente dans plusieurs villes comme à Grenoble ou encore à Nantes. Cette réunion fait aussi écho aux récents événements survenus à Marseille et notamment avec la mort de Mehdi Kessassi le 13 novembre dernier. Le jeune homme de 20 ans a été tué en pleine journée pour être le frère du militant écologiste et figure de la lutte contre le narcotrafic Amine Kessassi. Cet assassinat a choqué les habitants mais aussi les politiques. Gérald Darmanin et Laurent Nunez ont rencontré la famille Kessassi jeudi dernier. Autre sujet maintenant, c'est un chiffre édifiant publié ce jeudi. Le nombre de suicides ou de tentatives de suicide dues à un harcèlement par conjoint ou ex-conjoint a augmenté de 17% entre 2023 et 2024. En 2024, selon la lettre annuelle de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, plus de 900 femmes se sont suicidées ou ont tenté de le faire à cause de l'harcèlement de leur conjoint. Alors le suicide forcé est une nouvelle infraction inscrite dans la loi en 2020 suite au Grenelle des violences conjugales en 2019 lancé par le gouvernement. Ce plan d'action global est construit en partenariat avec les associations, les acteurs de terrain, les familles des victimes et toutes les administrations nationales. Selon le gouvernement, depuis 2017, plus de 80% des hébergements dédiés aux femmes victimes de violences ont été créés et 157 000 policiers et gendarmes ont été formés pour un meilleur accueil et accompagnement des victimes. On quitte le pays pour aller outre-Atlantique avec Jean Combe en rubrique internationale. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Le Parlement américain s'est penché sur le dossier très épineux de l'affaire Epstein, un feuilleton politique américain de plusieurs épisodes, enfin sur le point de se clore. Donald Trump a promulgué ce mercredi la loi sur la déclassification des dossiers d'enquête sur Jeffrey Epstein, l'ancien financier qui s'était donné la mort avant son procès pour crime sexuel dans une prison de New York en 2019. Le président américain s'était longtemps opposé à la publication de ces documents avant de faire volte-face dimanche. À 427 voix pour et une contre, le Congrès américain a ainsi adopté la proposition de loi mardi. Le Sénat, quant à lui, a approuvé le texte à l'unanimité. Transcription de grand jury et rapport du FBI, compte-rendu d'enquête ou encore pièces saisies lors des perquisitions chez le pédocriminel, le ministère de la Justice a désormais un mois pour rendre public tous ces documents. Pourtant, un flou plane au-dessus des potentielles révélations. En effet, cette nouvelle loi autorise le gouvernement à retenir ou supprimer des documents. Ces mises sous silence doivent alors obéir à certaines conditions, comme préserver l'intimité de victimes ou de personnes ciblées par une enquête ou des poursuites fédérales en cours. D'ailleurs, la semaine dernière, des documents avaient déjà révélé une possible implication de Trump. Dans un échange de mails entre Epstein et sa femme Ghislaine Maxwell, le financier assurait que le président républicain était au courant de ses abus. Les deux hommes ont été amis pendant près de 15 ans. De son côté, Donald Trump a toujours affirmé qu'il ignorait tout de ses abus. Face à l'avancée de l'armée russe, l'Ukraine cherche du soutien chez ses alliés. Volodymyr Zelensky était accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée ce lundi. La rencontre a abouti sur la signature d'une lettre d'intention d'achat future par Kiev. Parmi les armes vendues à l'Ukraine, jusqu'à 100 rafales, des défenses anti-aériennes et des drones. En parallèle, les États-Unis ont proposé un plan de paix. Il prévoit de lourdes concessions de l'Ukraine à la Russie, notamment la cession des oblasts de Donetsk et Lugansk dans le Donbass, ainsi que la reconnaissance de la Crimée russe. Enfin, les échanges se tendent en Extrême-Orient sur la souveraineté de Taïwan. Alors qu'elle s'adressait à son parlement le 7 novembre, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a réaffirmé le soutien militaire de Tokyo pour l'indépendance de Taïwan, au cas où la Chine prendrait l'île par la force. Depuis, Pékin a dénoncé ces déclarations et a suspendu certaines importations depuis le Japon. La Chine a toujours revendiqué la souveraineté de l'île depuis la fin de la guerre civile. On reste à l'international, mais dans la chronique économie et société cette fois. Et le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský continue d'investir dans l'économie après la presse. Il se tourne maintenant vers Total Energy, Daniel. Un deal à presque 5 milliards d'euros, Daniel Kretinsky et Total Energy ont annoncé lundi un accord historique en cédant la moitié de son conglomérat. Le Tchèque détient désormais 4,1% de l'entreprise, ce qui fait qu'il est l'un des actionnaires principaux. L'objectif est clair, rentrer sur le marché électrique européen grâce au gaz, une énergie fossile. Mais l'annonce, elle tombe mal, parce que dans la journée de lundi aussi, une plainte a été déposée contre Total Energy pour complicité de crimes de guerre, rien que ça. Bon, pour tout comprendre, il faut remonter en 2021 au Mozambique. Total Energy aurait alors financé une unité militaire qui aurait torturé et tué des civils. En échange de ce financement, la marque française a pu exploiter un méga projet de gaz liquéfié. Cette semaine est aussi marquée par la nouvelle édition de Choose France. Mais c'est quoi concrètement ? Alors, c'est un sommet créé par le président Emmanuel Macron en 2018 et le but est de mettre en avant les investissements d'entreprises françaises sur le sol tricolore. En pleine réindustrialisation, le président en a fait une mission capitale pour l'économie du pays et sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a annoncé 151 projets d'investissement pour un montant de 30 milliards d'euros, un record. L'affaire de corruption d'Altice SFR s'est encore accélérée cette semaine. On parle d'une quinzaine de perquisitions partout en France. Ce sont 14 entreprises qui ont été visées, dont celui d'Armando Pereira, ancien associé de Patrick Drahi. Près de 14 millions d'euros ont été saisis, ainsi que des voitures et des objets de luxe. Alors, d'où vient tout cela ? Pour bien comprendre, il faut remonter en 2023, où une enquête a été lancée par le parquet national financier pour corruption privée, escroquerie en bande organisée et blanchiment. Le portugais Armando Pereira est soupçonné d'avoir mis en place un système de surfacturation dans Altis pour son propre gain. Beaucoup de dossiers à suivre donc, avec attention. Et si on donnait la parole au sport et à la culture ? Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. Dans le monde des médias, on parle de l'audience des radios, Daphné. Les résultats de l'étude Médiamétrie sont tombés le 13 novembre dernier et les antennes publiques souffrent en cette rentrée 2025. Même si France Inter reste premier de la classe avec 6,7 millions d'auditeurs quotidiens, le média a perdu plus d'un million d'habitués sur un an. Dans le classement, on retrouve juste derrière RTL avec 5 millions. France Info occupe la troisième marche du podium avec un total de 4,9 millions. Puis RMC qui suit avec 2,8 millions d'écoutes quotidiennes. Mais l'actualité des médias, c'est aussi cette plainte contre CNews. Les groupes Radio France et France Télévisions ont chacun de leur côté porté plainte pour dénigrement contre CNews, Europe 1 et le JDD. Une action en justice qui intervient après un conflit survenu en septembre dernier. La galaxie Bolloré avait accusé l'audiovisuel public de partialité en faveur de la gauche. Côté sport, Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, continue de se déchirer. Le 17 novembre dernier se tenait une audience devant le Conseil des Prud'hommes de Paris. Les deux parties ont chiffré le litige qui les oppose depuis l'été 2024. De son côté, Kylian Mbappé réclame 263 millions d'euros de dommages et intérêts. Cela inclut les 55 millions de salaires et primes impayés. En face, le club parisien demande lui 440 millions d'euros. Il estime que l'attaquant a manqué à sa parole de ne pas partir libre de tout contrat. Le Conseil des Prud'hommes devrait rendre son jugement le 16 décembre prochain. Enfin, un Brésilien vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin, non, vous ne rêvez pas. C'est la première victoire du pays dans cette discipline. C'est une victoire historique. À 25 ans, Lucas Peneiro Braathen a remporté le 16 novembre dernier le premier slalom de l'hiver à Lévi, en Finlande. Jusqu'en 2023, le skieur courait pour la Norvège avant de choisir de représenter le Brésil, pays de sa mère. C'est sa sixième victoire en Coupe du Monde, mais la première depuis qu'il a changé de nationalité. Sur le podium, il a devancé le champion olympique français Clément Noël et le finlandais Édouard Alberg. J'adore cette dernière info. Comme quoi, croyez en vos rêves. Mais pour ça, place aux recommandations avec Lina. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Et on commence par une tribune parue dans Le Monde. Le 13 novembre dernier, Mehdi Kassassi, 20 ans, était assassiné à Marseille. Son seul vice, être le petit frère d'Amine. Amine, qui est un militant connu à Marseille, se bat contre les ravages de la drogue dans les quartiers de sa ville. Mercredi, il publie une tribune dans le journal Le Monde. Il y explique son combat et pourquoi il continuera. D'autres continuent aussi d'avancer. L'entreprise Total Energy, dont nous a parlé Daniel. Et d'avancer pas forcément dans le bon sens. On parlait dans le premier épisode des accusations de greenwashing à l'encontre de la société d'exploitation pétrolière, aujourd'hui de crimes de guerre. Alors que l'été 2024 a été le plus chaud enregistré sur le dernier millénaire, il est peut-être temps de se plonger dans l'enquête de Michael Corriera, journaliste climat chez Mediapart. Le titre, mensonge total. Plusieurs affaires méritent que l'on se penche sur leur zone d'ombre, en fait. Jean Combe l'a dit, les dossiers Epstein vont être publiés. On a entendu et lu beaucoup de tweets, d'articles sur le sujet. C'est parfois difficile de faire le tri. Alors cette fois, deux recommandations. France Télé a sorti en début d'année un complément d'enquête où le frère de Jeffrey Epstein est interviewé sur la mort de son frère. Plus ancien, mais qui entre aussi dans le détail de la façon dont l'argent peut blanchir un homme. La série Netflix Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion peut intéresser. De quoi connaître ces sujets complexes sur le bout des doigts. On va terminer cette émission avec la traditionnelle présentation d'école. Cette semaine, présentation de l'IJBA avec Yoann en deuxième année. C'est une école, j'ai envie de dire, à taille humaine. On est des petites promotions de 36 personnes. L'IJBA, c'est une école qui est très ancrée dans le local. À côté de ça, on a des individualités qui sont très mises en avant. On ne vous forme pas à un journalisme qui soit unique et uniforme. On dispose aussi d'une grande autonomie, parfois peut-être un peu trop, mais on n'est pas laissé à l'abandon non plus, évidemment. Par contre, il faut avoir vraiment une bonne organisation. Il y a des périodes un peu creuses, alors que d'autres sont beaucoup plus remplies. Et il faut réussir à bien gérer son temps pour pouvoir jongler un peu avec tout. Et c'est déjà la fin de ce troisième épisode d'ActuVu. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Un gros merci à notre Red Chef à la régie Elsa et à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour un maximum d'ActuVu.